votre réveil vient à peine de sonner, il est 6h tout pile. Merci d'avoir choisi Cristal. Bon début de semaine sur la première Hit Radio Normandie. Nous sommes avec Alicia, Elodie et on vous accompagne jusqu'à 9h. Et place à l'info tout de suite, à l'info de ce lundi 3 avril. Alicia Casteras, bonjour. Et bonjour à tous, un bon réveil dans l'actualité. Ce lundi, on parlait école entre collèges fermés et manifestations. On rencontre aussi avec Hervé Morin. Le conseil régional se réunit aujourd'hui à Rouen. Nous avons 7 degrés à Courcelles-sur-Seine, nous dit Vanessa sur le Facebook Cristal. On attend vos messages météo. Attention au brouillard matinal avant les éclaircies de l'après-midi. Changement de programme pour les élèves du collège Jean Zé au Houlme, près de Rouen. Le sol de l'établissement est trop instable. Le collège restera donc fermé jusqu'aux prochaines vacances. Pendant la durée des travaux, les élèves seront répartis dans deux établissements de Barentin. Pendant ce temps, d'autres se mobilisent toujours pour la réforme de la carte scolaire. Près de Conches-en-Ouche, les parents d'élèves de l'école primaire d'Orvault tiendront un sitting ce lundi pour dénoncer une probable fermeture de classe à la rentrée prochaine. Elle a 17 ans et peut-être que vous l'avez repéré samedi soir, une Normande dans The Voice. Lou Mai est originaire de Vernon et rejoint l'équipe de Mika après avoir chanté Queen. Une deuxième Normande, hein, puisque je vous le rappelle, Lucie, une Rouennaise, se trouve déjà dans la team Florent Pagny. Et le conseil régional se réunit aujourd'hui à Rouen. Les conseillers normands vont débattre d'une vingtaine de sujets comme la nouvelle politique régionale de la pêche, l'élargissement du passe-monde aux lycéens et aux apprentis. Mais aussi, on en parle, l'aide aux toutes petites entreprises, nous dit Hervé Morin. On avait besoin de simplifier, d'organiser la création et la reprise du commerce, de l'artisanat et des très petites entreprises. On avait un système complètement baroque, près de 150 associations intervenant sur le sujet, un dispositif qui était très peu efficace. Et donc, j'ai décidé de simplifier le système, un système unique sur toute la Normandie, de Grandville à Dieppe. Mais surtout, ce qui est très important, c'est un guichet unique, une quarantaine de lieux en Normandie pour l'accueil des créateurs ou de ceux qui reprennent une petite entreprise. Et enfin, un système dans lequel il y a un vrai accompagnement, parce que c'est ça la clé. Un système totalement baroque, on est d'accord, Nico. Le président de la région, Hervé Morin, au micro d'Élodie Alcouf. Et encore deux pour les Dragons. Les hockeyeurs ne sont toujours pas sortis d'affaires. 4 matchs et 2 victoires chacun dans cette finale des playoffs de Ligue Magnus contre Gap. Il y aura donc un match 5 ce mercredi à Gap et le match 6 à Rouen vendredi soir pour savoir qui va devenir le champion de France. En basket, 25e journée du championnat de Pro B, victoire de la LM Évreux 76-74 contre Blois et la défaite de Rouen dans son derby au Havre 79-69. Évreux à la 9e place et Rouen 13e du classement. On risque de ne pas y voir grand chose ce matin. Le brouillard devrait s'attarder en matinée et cet après-midi, belles éclaircies. On remonte même à 18 degrés du côté de Pont-Saint-Pierre et Giverny, 17 sur Petit Couronne et Le Neubourg. Content de vous retrouver pour une nouvelle semaine ensemble, première semaine de ce début avril. Je sais pas vous, hein, mais dès que le mois d'avril arrive, on sent que l'été est pas très loin, les grandes vacances arrivent et tout et tout. En tout cas, je voulais vous remercier moi pour l'émission de vendredi. C'était la toute première fois de l'histoire du Morning de Cristal que l'équipe sortait enfin du studio pour partager un petit moment avec vous. Vendredi, nous étions à Lisieux et sachez que ce n'est que le début puisque nous avons déjà les prochaines dates de cette tournée et nous serons le vendredi 28 avril à Rouen dans la boulangerie Paul. Vous savez, celle qui se trouve à la sortie de la Sul 3. Vous savez, à l'entrée de Rouen, à 2 pas de la prison. Bref, on vous offrira également les petits déj, de quoi évidemment rencontrer les Rouennais. Et quelques semaines après, on ira à Évreux, puis à Caen, dans cet ordre-là. Les dates ne sont pas encore officielles pour la tournée d'Évreux et de Caen. Merci en tout cas pour votre présence. Il y a Saya qui arrive avec Never Give Up et juste après, La Voyance avec Karima. Bon réveil, il est 6h04. après Saya, les amis, on va se retrouver Karima, la voyante de Radio Cristal, qui répond gratuitement à vos questions, notamment aujourd'hui à celle de Véronique de Rouen. Elle a quitté son mari il y a un peu plus d'un an. Elle s'inquiète pour son avenir financier. Écoutons la réponse de Karima. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors Véronique, t'as toujours su gérer en fait. T'as toujours su, c'est toujours toi qui a été un petit peu le pilier là quand même, hein, au sein du foyer. Oui, le pilier, c'est tout à fait ça, voilà. Et donc du coup, je m'inquiète pas du tout pour la suite. Ce qu'il y a, c'est que il y a eu un petit élan de lassitude aussi peut-être, un petit coup de mou. Un gros coup de fatigue. Et du coup, là, on dit qu'on va reprendre du poids de la bête. Là, février, mars, on reprend du poids de la bête. D'accord. Je pense que sincèrement, ce changement de vie, il est vachement positif pour toi. Donc moi, je vois effectivement au niveau des finances que tu vas t'en sortir. Février, mars, il y a une bonne période là. D'accord. Et puis après, surtout la deuxième partie de l'année. Hein. Une question ou besoin d'un conseil, Karima vous répond chaque matin sur Cristal. Pour nous joindre, 02 32 23 53 96. D'ailleurs, ne loupez pas l'événement. L'émission de voyance, c'est tous les lundis. Donc aujourd'hui, à partir de 14h, avec Aurélie et Karima, elle répond à vos questions. C'est 100% gratuit. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire par mail, karima@maradiocristal.com. Voici Julien Doré, tiens. De sourire dehors, à Angoulême, un chasse-plin Melchior, Paris s'échelle, découvrir ton corps, depuis la scène, du sombre décor, l'Ukraine sereine, on s'était dit des choses, que l'on ne tiendra pas, le temps que l'eau Un DJ qui a pris le même nom qu'un certain Jacques Offenbach. Tu savais ce qu'il a écrit, Jacques Offenbach? Ah, je sais que c'est un grand musicien, mais après... Un musicien franco-allemand qui a fait le French Cancan, notamment. Eh voilà. Bien, je suis ravie de le savoir. Ben voilà, on apprend des choses le matin, 6h14. T'as bien fait de passer par là. On parle, tiens, de petites terreurs qui sont pour qu'on porte mal en classe. Les résultats de la question du jour qu'on vous posait vendredi. On vous avez noté sur le Facebook de Cristal, des élèves, des indisciplinés. La faute à qui, Alicia? C'était très bizarre comment c'est écrit cette question, très, pardon. Très, très bizarre comme formulation. Très serré en tout cas aussi, les résultats. Les auditeurs qui sont mitigés pour 50% d'entre vous. De toute manière, les profs ne sont pas à remettre en cause, mais ce sont bien les élèves dont le comportement a beaucoup changé à l'école. La réponse C. Et on a pu lire que ce sont aux parents, bien sûr, de s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Arrive tout juste derrière, en deuxième position, la réponse B à 48%. Donc vous voyez que c'est serré. Les professeurs qui ne sont pas tout à fait innocents non plus, parce que certains savent très bien se faire respecter et d'autres beaucoup moins. Alors évidemment, on a pu lire aussi que s'ils avaient beaucoup plus de liberté, peut-être qu'ils pourraient se faire respecter. D'autres n'ont pas les outils nécessaires pour se faire respecter. Ce sont vos avis. C'est comme dans la vraie vie, finalement, il y a des gens qui savent se faire respecter et les autres non. Voilà, tout dépend ce qu'on permet de faire ou ce qu'on ne permet pas de faire. Certains nous ont dit que les sentences n'étaient pas assez sévères. Enfin bon, vous avez donné votre avis en tout cas sur le Facebook de la radio et vous êtes 2% à penser que de toute manière, eh bien, il y a trop de laisser-aller dans les classes, il va falloir sévir. Oui, mais en même temps, ça ne va pas en s'arrangeant si on a des classes qui font de 35 à 40 personnes, voire plus dans l'avenir. C'est de un autre débat, mais effectivement, c'est peut-être mais pas... Mais ça n'aide pas, quand il y a 20 personnes, c'est plus facile à gérer, quand il y a 40 personnes, c'est un peu plus difficile. Tiens, de la musique, pour la nouvelle question de ce lundi, avez-vous, avec une mauvaise nouvelle, tiens, on vous en a parlé, les concerts gratuits de la région à Rouen, c'est terminé. Alors, on vous rappelle que ces soirées de concerts en plein air étaient totalement financées par la région, une enveloppe de près de 2 millions d'euros que le nouveau président de la Normandie, Hervé Morin, souhaite affecter, dépenser autrement. Alors, comprenez-vous l'arrêt des concerts? Alors oui, le conseil régional n'a pas vocation à se transformer en producteur de spectacles, qui plus est avec nos propres sous, notre denier, ou non, ces concerts gratuits étaient l'occasion pour des milliers de familles d'assister à des spectacles, tout simplement qu'elles n'auraient sans doute pas eu l'occasion de se payer elles-mêmes. Alors, on est bien d'accord, évidemment, quand c'est gratuit, on a l'occasion d'assister c'est gratuit pour le particulier spécial. Là parce qu'il c'est fait gratuit, pas son truc, mais c'est totalement. Payant parce que c'est avec les impôts locaux, etc., qui s'est financé. C'est alors pas est-ce totalement que... gratuit, vous l'avez payé quelque part, il ne faut pas l'oublier. Est-ce que la région doit mettre ses 2 millions d'euros là-dedans avec des artistes ou bien les mettre ailleurs? Eh bien, c'est une question qu'on vous pose. Vous y répondez sur le Facebook. J'arrive pas à me prononcer, moi, sur cette question parce que je trouve ça cool de pouvoir faire un concert avec toute sa famille. Évidemment, quand c'est gratuit, on trouve ça génial. On va pas chercher bien loin. Souvent, les concerts de la région, c'était pour beaucoup, pour les plus jeunes. En tout cas, les tout premiers concerts auxquels ils assistaient dans leur vie. Donc il y a ce côté nostalgique, plutôt sympa. Mais en effet, c'est un budget pour la région. Il y avait la date, il y avait le fait que c'était gratuit, il y avait la date, ça permettait aux jeunes qui finissaient leur bac et leurs premières épreuves de faire la fête gratuitement dans la foulée, de bien se détendre. Et puis ce que soulève Hervé Morin, le président de la région, c'est que quand on fait venir un artiste comme ceux qui ont pu venir les années précédentes, je vous prends Zazie totalement au hasard, si elle veut venir en concert, elle se paye le Zénith de Rouen, c'est à ça que sert le Zénith. Et c'est comme ça qu'on fait rentrer de l'argent dans la métropole et dans la ville et dans la région, dans les caisses. Et ces concerts que l'on considère gratuits, on les paye quelque part puisqu'ils sont payés avec nos impôts. Voilà, bon, vous en avez tout cas, tous les éléments. Vous votez sur le Facebook de Radio Cristal. Merci Alicia. Maroon 5, Don't Wanna Know arrive dans un instant. Et puis les anniversaires de stars, si vous êtes né en 3 avril, eh bien sachez que vous avez plein de points communs avec de nombreuses stars. Je vous en parle dans moins de 5 minutes. Cristal, la première hit radio en Normandie. I still can't feel the terrible heat that I was in. C'est déjà l'heure. 5h-9h avec Nico sur Cristal. Avec Don Juanano sur Cristal, il est 6h24. Tiens, bon anniversaire. Ouais, bon anniversaire à vous si vous êtes né en 3 avril, c'est le cas de ce monsieur. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter. Ouais, il était né en 3 avril, Dario Moreno. Alors pour ceux qui s'en souviennent, hein, et contrairement d'ailleurs à son nom ou à ses chansons, il n'était ni mexicain ni brésilien, il était turc. D'ailleurs, il était très connu dans son pays d'origine en tant que chanteur d'opéra, mais également en tant qu'acteur. Autre salle, autre ambiance, Nekfeu. Nekfeu, le rappeur français à 27 ans ce lundi. Bon anniversaire à lui et puis à 38 ans pour Grégoire. Il a connu en France avec ce titre, hein, financé par le public sur Internet, sur une plateforme de financement participatif. C'est d'ailleurs lui qui a écrit cette année le nouvel hymne des Enfoirés. Bon réveil, 6h25. Si vous voulez partir au Puy du Fou, écoutez comment ça marche. On jouera aux 30 secondes chrono aujourd'hui. Toute cette semaine, Cristal vous invite à voyager dans le temps. À l'occasion des 40 ans du Puy du Fou, gagnez votre séjour pour 4 avec nuit d'hôtel à la Citadelle. Venez découvrir le nouveau spectacle nocturne Les Orgues de Feu. Dîner offert à l'Écuyer Tranchant. Venez passer un moment inoubliable au Grand Parc du Puy du Fou. Pour gagner vos entrées, jouez demain matin au 30 secondes chrono à 8h40 avec Nico sur Cristal. Oh cool, Philippe, tu nous as pris de la Badoit. Oui, de la Badoit verte. Avec 30% de tickets Leclerc pour l'achat de 2 packs de Badoit. J'ai pas pu résister. Donc là, on a au minimum 2 packs de Badoit. Oui, enfin là, t'es loin du compte. Génial. C'est parce qu'on gagne encore plus à être fidèle au moins cher que du 28 mars au 8 avril, avec la carte de fidélité Leclerc, vous bénéficiez de 30% en tickets Leclerc sur les 2 packs de 6 litres de Badoit verte à 6,60€, soit 55 centimes le litre, voire modalité dans les magasins participants. C'est carrément excellent la Badoit pour accompagner un repas. Mais évidemment. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. On a quoi ce matin ? 110 baguettes à livrer, avant 8h. Alors en route ! Simplifiez-vous la vie avec EasyPack Pro. Renault Kangoo est à 135€ par mois sans apport. Entretien, garantie et assistance inclus. Pendant les jours booster Renault Pro Plus du 10 au 14 avril, tentez de gagner un trafic chez nos partenaires pro. Loyer, taxes, crédit bail maintenant, 60 mois, 80 000 km pour Kangoo Express Confort DCI 75 sous conditions de reprise. Réservé aux professionnels jusqu'au 30 avril. Immatriculation avant le 31 mai, si acceptation par Diakessa, voir Renault.fr. Dites, Mida, je suis inquiète. Je sais pas quand je dois changer mes plaquettes. Rassurez-vous, bien freiner est une question de sécurité. C'est pourquoi chez Midas, nous vous offrons un bilan freinage en 19 points de contrôle. Chouette ! Et si je dois les changer, vous faites quoi de mieux ? Eh bien, jusqu'au 29 avril, nous vous offrons moins 30% sur les plaquettes de frein. Moins 30% ? Je suis rassurée à 100%. Qui dit mieux, dit Midas. Voir détails dans les centres participants et sur Midas.fr. Et si on parlait Renault Occasion ? Alors, votre diagnostic ? Faut changer le disjoncteur. J'en ai un dans mon trafic d'occasion. Vous voyez le trafic d'occasion, là ? Oui. C'est mon trafic d'occasion. J'ai un disjoncteur dans mon trafic d'occasion. Vous allez être fier de votre occasion. Et avec la garantie pro jusqu'à 36 mois, le contrôle gratuit à 2000 km et le véhicule de remplacement, vous allez être encore plus fier de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Argus 2016, offre réservée aux professionnels sur une sélection de véhicules. Conditions sur renault-occasion.fr. Leclerc. Gisèle, la crème glacée, biscuit, caramel, Guinetta que vous tenez dans la main, c'est juste pour le déjeuner de Pâques, hein ? C'est celle que je préfère au monde. Ah bah avec 40% de réduction immédiate en ce moment chez Leclerc, moi aussi. C'est parce que toute la famille les adore que du 4 au 15 avril chez Leclerc, la bûche de crème glacée, biscuit, caramel, Guinetta de 350 grammes avec 40% de réduction immédiate est à 1,16€ après réduction, soit 3,31€ le kilo. Voir modalité dans les magasins participants. Et on referme le congélateur. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Réveillez-vous chaque matin avec Nico sur Cristal. Why wait to say, at least I did it my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. My way, my way, my way. One thing in my way, you are the one thing in my way. You are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way. Calvin Harris avec My Way sur Cristal, 6h31, on passe à l'info tout de suite. L'info de ce lundi, bonne reprise à tous, Alicia Castellas. Et oui, bon courage, un bon réveil. Nous avons 7 degrés en ce moment à Courcelles-sur-Seine, nous dit Vanessa sur le Facebook. Cristal, 8 sur Douin chez Seb et 4 autour d'Evreux pour Caroline. On attend vos messages météo sur le Facebook Cristal. Attention au brouillard matinal avant les éclaircies. Il devrait s'attarder en matinée, vous serez prudent. Et cet après-midi, donc, retour du soleil. On remonte même à 18 degrés du côté de Pont-Saint-Pierre, Giverny. 17 entre Le Neubourg et Petit-Couronne. Et ça va débattre aujourd'hui à Rouen. Le conseil régional se réunit, les élus normands vont statuer sur une vingtaine de sujets, la nouvelle politique régionale de la pêche, l'élargissement du passe-monde pour les lycéens et les apprentis, mais aussi encore l'aide aux toutes petites entreprises. Vous entendrez Hervé Morin, président de la région à 7h, interview à retrouver également sur maradiocristal.com. On parle bien sûr école en ce lundi avec un changement de programme près de Rouen pour les élèves du collège Jean Zé au Houlm. Le sol de l'établissement est trop instable, le collège sera donc fermé jusqu'aux vacances. Pendant la durée des travaux, les élèves sont répartis dans deux établissements de Barentin. Pendant ce temps, d'autres se mobilisent encore et toujours pour la carte scolaire. Près de Conches-en-Ouche, les parents d'élèves de l'école primaire d'Orvault tiendront un sitting ce lundi pour dénoncer une peut-être fermeture de classe à la rentrée de septembre. Et encore deux pour les Dragons. Les hockeyeurs ne sont toujours pas sortis d'affaire. 4 matchs et 2 victoires chacun dans cette finale des play-offs de la Ligue Magnus contre Gap. Il y aura donc un match 5 mercredi à Gap et un match 6 à Rouen vendredi soir. En basket, la 25e journée de Pro B, victoire de l'ALM Évreux contre Blois, défaite de Rouen face au Havre. Les fans n'ont pas raté l'info. Le PSG qui a remporté la finale de la Coupe de la Ligue, le score 4-1 face à Monaco. Dites Midas, les amortisseurs, c'est important? Ils sont essentiels pour la tenue de route de votre véhicule. Et pour votre sécurité, Midas vous recommande de les remplacer tous les 80 000 km. Et vous faites quoi de mieux si je dois les changer? Jusqu'au 29 avril, pour l'achat de 2 amortisseurs avant, nous offrons les 2 arrière. Vous pouvez faire encore mieux? Nous les garantissons pendant 2 ans. Alors là, je suis scotché. À la route. Qui dit mieux, dit Midas. Voir détails dans les centres participants et sur midas.fr. Cuisine Xina. Oula, plaque à induction, four, lave-vaisselle, frigo, micro-ondes, attendez, je calcule. Alors ? 1 euro, tout rond. Chez Ixina, en avril, c'est jusqu'à 5 électroménagers Bosch ou Siemens pour 1 euro de plus. Quand Ixina, tout va. Voir conditions en magasin sur ixina.fr. Leclerc. Chérie, pour fêter Pâques, Leclerc offre à chaque passage en caisse, dès 30 euros d'achat, un livre numérique Disney à télécharger parmi 20 titres. Mais non. Et c'est pas tout. Leclerc nous met des étoiles plein les yeux. Avec, pour le 25e anniversaire de Disneyland Paris, un séjour inoubliable pour 4 personnes à gagner et des invitations pour les parcs pour vivre toute la magie Disney. Allons chez Leclerc. Du 4 au 15 avril chez Leclerc, venez et participez au grand jeu Disney. Règlements et conditions disponibles en magasin et sur e.leclerc. Livre numérique à télécharger sur Disney Story Central. Tous chez Leclerc. Jusqu'à 9h sur Cristal, c'est déjà l'heure avec Nico. 14 avec Tuesday sur Cristal, 6h38, l'événement télé, il est sur M6 ce soir, bah oui, parce que TF1 diffuse Joséphine Ange Gardien, alors tous devant M6, qui a choisi un programme qui plaît vraiment à l'état sauvage, cette émission où Mike Horn, l'aventurier, emmène une célébrité dans la jungle ou bien en plein désert, etc. Et pour la toute première fois, il embarque une femme, et pas n'importe quelle femme, oui, une battante, très souvent médiatisée, c'est l'ancienne nageuse olympique, Laure Manaudou, qui part, après Matt Pokora, il y a quelques semaines, à l'état sauvage. L'aventure qui l'attend, ça va être une des plus difficiles de sa vie. Moi, je préfère pas manger que de bouffer ça. J'ai même plus de force pour aller chercher à manger. J'ai eu plus de sensations que quand j'ai gagné mon titre olympique. Laure, c'est vraiment un exemple. Tu es vraiment un mini Mike. Laure Manaudou dans les pas de Mike Horn, à l'état sauvage, lundi à 21h sur M6. Ils vont parcourir 130 km, 5 jours, 4 nuits. Relèvera-t-elle le défi? La réponse ce soir, en tout cas sur M6. Et selon mes sources, elle s'en sort mieux que les hommes, ouais, qui ont déjà participé à cette émission. Donc Girls Power ce soir sur M6. Si, d'ici là, je vous souhaite moi un bon réveil. Et Cynthia Emilia vous souhaite tout le bonheur du monde, rien que ça. On vous souhaite tout le bonheur. chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. Que rassura et vite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. Tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down. Préparer l'horoscope, il arrive dans quelques minutes sur Cristal, 6h46. Bon, j'ai plus internet dans le studio, mais j'arrive quand même à lire les messages que vous nous avez envoyés sur le Facebook de la radio. Il fait 7 degrés à Courseul-sur-Seine, nous dit Vanessa. 4 degrés à Ferrières, au Clocher, nous dit Jimmy. 5 degrés du côté de Lacroix-Saint-Leufroy. J'espère que je prononce bien chez notre ami Alain. 3 degrés à Bernay. Glagla, nous dit Domi. C'est vrai qu'il fait frais du coup à Bernay ce matin. 4 degrés à Évreux chez Caroline. En moyenne, 4 à 5 degrés en Normandie. Sachez que le beau temps arrive pour la fin d'après-midi avec jusqu'à 18 degrés attendu aux quatre coins de la Normandie. The Weeknd, I Feel It Coming, ça arrive dans un instant avec votre horoscope avant 7h. Cristal Verneuil-sur-Avre, 106.3 et en HD sur maradiocristal.com. Cristal vous donne rendez-vous à Dornano. Jouez sur Cristal et maradiocristal.com avec Leclerc Fuel, Distrifuel Normandie et gagnez vos places pour les rencontres à domicile du stade Malherbe de Caen. Prochain match face à Montpellier. Rendez-vous sur l'antenne de Cristal et sur maradiocristal.com avec Leclerc Fuel, Distrifuel Normandie, votre fuel au meilleur prix, votre fuel à prix Leclerc. L'autre jour, j'invite mon épouse au restaurant. Et là, elle me sort, je vais prendre le menu à 17 euros. Oh non, mais t'es dingue que je lui ai dit. Pour ce prix-là, on peut s'offrir une maison. Avec Maison Pierre, devenez propriétaire de votre maison à partir de 17 euros par jour. Conditions près de votre agence Maison Pierre à Bernay, 4 boulevard du But, proche de la gare. Vous connaissez ce hit ? Et celui-ci ? Sur votre smartphone, la playlist n'a plus de secret pour vous. Ouvrez votre application Cristal, glissez votre doigt sur la droite et trouvez directement les titres qui passent à la radio. Radio Cristal, application gratuite pour mobile et tablette. Tout faire bois. Moi, les lames de terrasse en bois, faut qu'elles tiennent plus d'un été. Du 3 au 28 avril, chez Tout Faire Bois, c'est les prix qualité pro spécial extérieur. La lame de terrasse en pin scandinave épaisseur 27 mm est à seulement 2,15€ le mètre linéaire. 2,15€ et traité classe 4. C'est ça les prix qualité pro. Tout faire bois. Gagner en savoir-faire. Prix du paquet selon conditionnement. Chez Evrebois, à Evre-Angerville, route de Danville, ouvert aux professionnels et particuliers du lundi au samedi midi. C'est vrai, je suis plutôt du genre à rouler ma bosse, comme on dit. Mais pour bien rouler et m'équiper, j'ai besoin de conseils. Si vous êtes comme moi, passez chez Toxic Bikes, concessionnaire officiel Yamaha. Moto Roadster, sportive et routière, quad, scooter ainsi que tous les équipements sont chez Toxic Bikes. Toxic Bikes, vente de neuf et occasion, service après-vente et entretien, 65 avenue de Paris à Vernon, à 15 minutes de Mantes-la-Jolie et sur toxic-bikes.fr. Cristal. Première hit radio en Normandie. C'est déjà l'heure. Réveillez-vous chaque matin avec Nico sur Cristal. Wind, I Feel It Coming. Très très bon réveil sur Cristal, belle matinée. Merci d'avoir choisi la première Hit Radio Normandie. Si vous cherchez du boulot, restez bien là, parce qu'à 7h04 précisément, je vous parlerai d'une nouvelle annonce d'emploi pour vous, qui va vous rapporter d'ailleurs beaucoup d'argent. Mais d'abord, nous sommes lundi 3 avril aujourd'hui. On fait un point sur l'horoscope et la journée restera belle pour vous les béliers. Le soleil dans votre ciel vous donne d'ailleurs des ailes et les rencontres sont possibles. Les moins réveillés seront les vierges. La lune perturbe l'ambiance, vous voilà un peu plus grincheux aujourd'hui. Les taureaux, l'énergie en pleine remontée, vous aborderez la vie avec envie. Votre gourmandise augmentera d'ailleurs d'heure en heure. Les gémeaux, la lune éclaire votre ciel, vous croquerez la pomme avec enthousiasme. Le bonheur sera d'ailleurs à portée de main. Les cancers, vous saurez prendre de la hauteur. L'action vous boostera en ce lundi. Du côté des lions, la communication passera difficilement. N'imposez plus vos quatre volontés. Les balances, léger aérien, des envies d'ailleurs pourraient vous chahuter les plateaux aujourd'hui. Laissez-vous faire et bien partez. Scorpion, vous resterez difficile à approcher, impossible d'ailleurs à conseiller. Ainsi, débrouillez-vous tout seul. Les sagittaires, jouez la carte de l'échange et vous y gagnerez sur tous les tableaux. Votre sérieux sera apprécié de tous. Capricorne, lâchez vos habitudes, montrez-vous plus tendre en duo. Du côté des Verseaux, même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec vos proches, ne forcez rien aujourd'hui. Enfin, les poissons, pour terminer, vous ne serez pas encore très bien lunés aujourd'hui. Pourtant, vos idées feront l'unanimité. Vos actions seront appréciées. Voilà pour l'horoscope du jour. Bon réveil. Vous avez choisi Cristal. Et moi, j'ai choisi Loïc Noté pour terminer cette heure avec Million Eyes. C'est maintenant, il est 6h54. Behind my back, you spy on me. So I scream and shout to make you leave, but you still. Massif. Dans la famille, on est de grands sportifs. Mardi, c'est judo. Jeudi, tennis. Et samedi, basket. Alors si la voiture tombe en panne, c'est la cata. Mais grâce à mon assurance auto Massif, j'ai le pouvoir de rester serein. En cas de problème, il me dépanne même devant chez moi et me prête un véhicule. Du coup, tout roule, surtout la voiture. Massif, essentiel pour moi. Rendez-vous dans nos points d'accueil ou sur massif.fr. Les garanties et prestations de l'option service mobilité sont accordées dans les conditions et limites fixées au contrat auto. Et si on parlait Renault Occasion ? Excusez-moi, monsieur l'agent, vous voyez le master d'occasion là-bas ? Et c'est le mien, c'est mon master d'occasion. Il gêne pas là, mon master d'occasion. Parce que s'il faut que je le déplace, mon master d'occasion, oui, j'ai compris. Vous allez être fier de votre occasion. Et avec la garantie pro jusqu'à 36 mois, le contrôle gratuit à 2000 km et le véhicule de remplacement, vous allez être encore plus fier de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Argus 2016, offre réservée aux professionnels sur une sélection de véhicules. Conditions sur renault-occasion.fr. Pour ses 50 ans, Conforama a mobilisé ses sélectionneurs. Tous ses sélectionneurs. Pour vous préparer une sélection de produits meubles et déco vraiment incroyables. Et jusqu'à moins 50%. Et ça, c'est encore plus incroyable. Jusqu'au 24 avril, pendant incroyables 50 ans chez Conforama, les meubles et la déco n'ont jamais été aussi accessibles. Conforama. Offres et conditions disponibles en magasin et sur conforama.fr. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. T'as 9 bouquets à livrer ce matin, dont 2 très fragiles. D'accord, c'est parti. Simplifiez-vous la vie. Avec EasyPack Pro, Renault Trafic est à 189 € par mois sans apport. Entretien, garantie et assistance inclus. Pendant les jours booster Renault Pro Plus du 10 au 14 avril, tentez de gagner un Trafic chez nos partenaires pro. Loyer, taxe, crédit bail maintenant, 60 mois, 80 000 km pour Trafic Fourgon, Confort, L1, H1, DCI 95 sous conditions de reprise. Réservé aux professionnels jusqu'au 30 avril. Immatriculation avant le 31 mai, si acceptation par Diakessa, voir Renault.fr. Si vous cherchez un emploi, j'ai quelque chose pour vous. Ce n'est peut-être pas le job de rêve, mais il vous permettra pardon, de gagner 16 000 euros en 2 mois seulement à rester allongé. La première hit radio en Normandie, Cristal. On en reparle dans 3 minutes, mais d'abord l'information de ce lundi. Bonjour Alicia. Et bonjour à tous. En ce lundi, eh bien, on parle beaucoup école aujourd'hui, entre collèges fermés et manifestations. On rencontre aussi avec Hervé Morin. Le conseil régional se réunit à Rouen ce lundi et on s'intéressera aussi à une Normande dans The Voice. Nous avons 7 degrés à Courcelles-sur-Seine, nous dit Vanessa sur le Facebook Cristal. Attention au brouillard matinal avant les éclaircies. Changement de programme pour les élèves du collège Jean Zé au Houlme, près de Rouen. Le sol de l'établissement est trop instable. Le collège restera donc fermé jusqu'aux prochaines vacances. Et pendant la durée des travaux, les élèves sont répartis dans 2 établissements de Barentin. Pendant ce temps, d'autres se mobilisent toujours pour la carte scolaire. Près de Conche-en-Ouche, les parents d'élèves de l'école primaire d'Orvault tiendront un meeting ce lundi, un sitting, pour dénoncer une fermeture de classe. De son côté, le conseil régional se réunit aujourd'hui à Rouen. Les conseillers normands vont débattre d'une 20aine de sujets. La nouvelle politique régionale de la pêche, l'aide aux toutes petites entreprises, l'élargissement du pass monde aux lycéens et aux apprentis. Et justement, à quoi vont ressembler les lycées du futur ? Réponse d'Hervé Morin. Donc il y a toute une série de sujets. Parmi ces sujets, c'est bien sûr l'intégration du digital et du numérique dans la pédagogie, dans les équipements. C'est bien sûr toute la question de l'accès des jeunes à la culture, à l'art, à la musique. C'est aussi la question de la lutte contre l'échec scolaire. Est-ce qu'il faut plus d'internats ? Comment on fait de l'accompagnement pédagogique ? Comment on fait en sorte qu'on ait des outils qui améliorent l'autonomie, l'initiative des élèves pour que le jour où ils sont à l'université, ils ne soient pas perdus. Hervé Morin au micro d'Élodie Alcouf, le président de la région a aussi annoncé la réhabilitation du lycée Corneille de Rouen. Elle a 17 ans, peut-être que vous l'avez repéré samedi soir, une Normande dans The Voice. Lou Maï est originaire de Vernon et rejoint l'équipe de Mika après avoir chanté Queen. Une deuxième Normande donc dans l'aventure puisque Lucie Rouanaise se trouve déjà dans la team Florent Pagny. Et encore 2 pour les dragons. Les hockeyeurs rouennais ne sont toujours pas sortis d'affaires. 4 matchs et 2 victoires chacun dans cette finale des play-offs de la Ligue Magnus contre Gap. Il y aura donc un match 5 mercredi à Gap et le match 6 ce sera à Rouen vendredi soir. Peut-être un match décisif puisque le premier qui a 4 victoires devient le champion de France. L'équipe de Rouen qui est donc tenante du titre et espère garder la Coupe Magnus. En basket, 25e journée du championnat de Pro B. La victoire de la LM Évreux 67 76-74 contre Blois ce week-end et la défaite de Rouen dans son derby au Havre, 79-69. Évreux est à la 9e place et Rouen est 13e au classement. Avec Cuisinella Menval. Offrez-vous une Cuisinella digne d'un grand chef. Bien pensé, à prix accessible. Cuisinella à Menval, face au Leclerc. Cuisinella. À l'écoute de vos envies. Et on risque de ne pas y voir grand-chose ce matin. Le brouillard devrait s'attarder en matinée. Vous serez très prudent avant cet après-midi d'éclaircies. On remonte même à 18 degrés sur Pont-Saint-Pierre du côté de Giverny. Vous aurez 17 entre Le Neubourg et Petit-Couronne. Bon début de semaine à tous sur Cristal. C'est déjà l'heure, Nico vous réveille tous les matins, de 5h à 9h, sur Cristal. Et bon réveil sur Cristal, très très bon lundi. Si vous rêvez de tout envoyer en l'air, si vous voulez changer de boulot, changer de vie, ou si vous avez juste un projet qui coûte plus de 15 000 euros et que vous avez du mal à le financer, eh bien abracadabra, j'ai envie de vous dire, j'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas la première fois qu'on vous en parle, mais il y a une nouvelle session de recrutement pour le Centre Spatial de Toulouse qui recherche des volontaires pour rester allongé 2 mois dans un lit sans bouger avec à la clé 16 000 euros et l'honneur d'avoir fait peut-être avancer à la science. Mesdames, cette annonce n'est pas pour vous, puisqu'ils ne cherchent que des hommes cette fois-ci. Vous êtes concernés si vous êtes donc un homme entre 25 et 45 ans, si vous êtes en bonne forme, un petit peu sportif et disponible de septembre à novembre. Bah, si c'est le cas, eh bien voici le numéro de téléphone à composer, le 05 62 17 49 65. Je vous publie l'info complète sur le Twitter de Radio Cristal et d'ici là, on se réveille avec James Arthur Say You Won't Let Go sur Cristal. Bienvenue. I met you in the dark. You lit me up. You made me feel as though I wasn't off. We danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest. And you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you never know it. So you played it cool and I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never show it. But I wanna stay with you until we're grown old. Say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. I'll take the kids to school, wave them goodbye, and I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. Just de vous parler de ce job entre guillemets qui n'était pas un job de rêve mais qui vous permettait de gagner 16 000 euros en 2 mois de boulot allongé sur un lit. C'était réservé qu'aux hommes. Alors là, j'ai senti les féministes derrière pousser derrière la radio. Et justement, Elodie est là pour une bonne nouvelle et elle concerne également un job de rêve. Oui, job de rêve. Alors là, pas besoin de rester allongé pendant 2 mois. Vous pourrez rester allongé par contre sur la plage, vous faire bronzer, puisque en effet, ce job de rêve vous permettra de partir en vacances pendant 3 mois et d'être payé 10 000 euros. Un bon plan proposé par le site Sejourning, spécialisé dans la location de logements entre particuliers. Alors, vous n'aurez pas forcément comme mission que de boire un petit cocktail et de rester allongé sur la plage. Non, l'objectif est de tester aussi de nombreux logements du site, de les noter, de poster des photos et des commentaires sur les réseaux sociaux et de rédiger des articles pour le blog Sejourning. Alors, sachez que ça commence à partir du 1er mai et pour postuler, eh bien, vous avez jusqu'au 20 avril pour envoyer votre candidature avec idéalement une petite vidéo de présentation à contact@sejourning.com. Voilà, donc l'idée c'est quand même du coup d'être une personne de connectée. Si vous aimez les réseaux sociaux, si vous aimez tout prendre en photo, si vous ne mangez pas un plat sans l'avoir pris en photo, si vous aimez bronzer en bikini sur la plage, eh bien cette annonce est peut-être pour vous les amis. Merci Elodie pour cette bonne nouvelle du jour. Avec plaisir, moi je vais m'inscrire. L'autre bonne nouvelle, vas-y, nous on va écouter Vianney avec Moi et Mets-toi sur Cristal. Belle matinée. Sur mon coussin comme un dessin, comme une tache, c'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Pour un café un peu mal fait, une bricole, quand on se bat, moi je voudrais qu'on en rigole. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, moi blessez-moi. Qu'on le supporte, que je me mouche dans tes bras, sois ma carotte. Prendre la peine de s'abîmer, faire des scènes au lieu d'aimer, et faire l'amour par dégoût du dégât. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Moi aimais-toi, quand moi aimais-toi, moi blessé. Comme une tache, c'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Et ce coussin d'ici demain, après l'orage, sera témoin que l'on sait bien tourner la page. Le clip, il est déjà sur le Facebook de Radio Cristal. Vianney, moi et mets-toi sur Cristal, 7h15. Tiens, souvenez-vous de cette série. Ouais, MacGyver avec Richard Dean Anderson, le seul gars qui pouvait faire un parachute avec une bulle de chewing-gum, qui pouvait faire exploser une porte avec du dentifrice, qu'il avait d'ailleurs toujours sur lui évidemment. Eh bien la série revient sur M6. Alors pas l'original des années 90, mais celle-ci a eu droit à un lifting l'année dernière aux États-Unis. On appelle ça un reboot. Et c'est M6 qui a eu les droits et qui va le diffuser prochainement. Alors c'est en bide aux États-Unis, bien qu'ils aient signé pour une deuxième saison. La sauce n'a pas du tout pris. Alors va-t-elle prendre en France ? Eh bien la réponse ce mois-ci, parce que ça sera diffusé mi-avril sur la 6ème chaîne. Bienvenue, vous ne touchez à rien. Je vais parler encore de séries dans quelques instants si vous êtes sérivore. Si vous aimez les séries télé, bah c'est l'occasion de rester là parce que je vous ai prévu un blind test spécial série en ce lundi. Vous allez essayer de découvrir de quelle musique s'agit-il. Et bah si vous trouvez, bah vous repartirez avec un mug cristal. Tout ça, ça arrive dans moins de 10 minutes. Bon réveil, belle matinée. Monsieur Lavard, chez Monsieur Bricolage, besoin d'un coup de main ? Oui, j'ai entendu parler de 15 euros offerts pour les clients fidèles. C'est exact. Pour notre anniversaire, nous vous offrons des bons d'achat de 15 euros par tranche de 100 euros d'achat avec la carte de fidélité Monsieur Bricolage. Donc, plus j'achète et plus ça me rapporte. Quelle riche idée. Mais dépêchez-vous, ce n'est valable que jusqu'au 8 avril. Oh, vous pouvez compter sur moi. Jusqu'au 8 avril, pour l'anniversaire Monsieur Bricolage, recevez 15 euros en bons d'achat par tranche de 100 euros dépensés. Conditions et participants sur monsieurbricolage.fr. Oh, excusez-moi, je me suis trompé d'appartement. Mais non, chérie, qu'est-ce que tu racontes ? C'est chez nous, reviens. Ouah, c'est chez nous, ça ? Mais c'est super, t'as refait toute la déco ? Non, j'ai simplement ajouté deux nouveaux coussins, une lampe et changé le tapis. Ah ouais ? Il suffit parfois d'un rien pour tout changer. Découvrez vite toutes nos nouveautés de printemps à petit prix dans votre magasin IKEA. Avec par exemple les coussins Aftit League à 3,99€ et la lampe de table Tverse à 1,99€. IKEA ! Noroto. Vous attendez toujours le dernier moment pour changer vos pneus. Eh bien Marc, non. Ah non, moi avec Noroto, j'attends pas. Pour vérifier, revenons un peu en arrière. Là, Marc est chez Noroto. Parce que jusqu'au 30 avril, Noroto vous offre en exclusivité jusqu'à 80 euros. Oui, 80 euros en carte carburant pour l'achat et le montage de pneus Bridgestone. Noroto. Conditions sur noroto.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Les magasins U présentent le retour de marché de Laurent Dutch. En Isère, au Super U de Pontcharrat, Christophe est un volailler hors pair. Il sélectionne des volailles fermières élevées dans la région et les reçoit entières pour les préparer lui-même. Son produit phare, c'est le Pintado de la Drôme, une volaille réputée pour son goût et sa chair. Mais aussi un vrai morceau d'histoire, car selon la légende, il serait arrivé dans les bagages d'Hannibal le Carthaginois il y a plus de 2000 ans, avec les éléphants. Des histoires comme ça, il y en a dans tous nos magasins. Venez les découvrir. Les nouveaux commerçants. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, plus les enfants grandissent et moins ils veulent partager de choses avec nous. Rien, nada. Heureusement, on a quand même trouvé un terrain d'entente. Les séries qu'on regarde en famille. Avec SFR, profitez de séries exclusives comme la nouvelle série Taken, mais aussi de programmes jeunesse en illimité avec la fibre et SFR Play dans votre offre starter à seulement 19,99€ par mois pendant un an, puis 34,99€. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients jusqu'au 7 juin. Plus 3€ par mois de location box, engagement de 12 mois, frais d'ouverture de service 29€. Ah, qu'est-ce qu'on est bien chez toi ? Ah, c'est normal, mon logement est certifié NF Habitat. Tu vois, l'air est plus sain, l'isolation thermique et acoustique est au top, et puis tout est fonctionnel, sans parler de la sécurité. Et tu chercherais pas quelqu'un pour garder ton appartement tes vacances ? Pour acheter, louer, faire construire ou rénover, pensez NF Habitat, votre repère qualité. Plus d'infos sur nfhabitat.fr. NF Habitat, une certification de l'association Qualitel. NF Habitat, la vie devant soi. Jean-Luc ! Oui ? Tu peux planter ce clou, s'il te plaît ? Mais pas de problème, ma chérie ! Oh, chérie, accroche-toi ! On va le soigner, ton pouce ! Ah, je te le promets ! Arrêtez la bricole avec frisbees.com. Des vrais bricoleurs à domicile en un clic pour tous vos petits travaux. Sauvez-moi ! Sauvez-moi ! Frisbees.com, F-R-I-Z-B-I-Z. Cuisine Xina ! Oula, placard à induction, four, lave-vaisselle, frigo, micro-ondes, attendez, je calcule. Alors ? 1 euro, tout rond. Chez Xina, en avril, c'est jusqu'à 5 électroménagers Bosch ou Siemens pour 1 euro de plus. Quand Xina, tout va. Voir conditions en magasin sur xina.fr. Cristal à Bernay, 101.7 et en HD sur maradiocristal.com. I don't hesitate. heures sur Cristal. C'est déjà l'heure. Avec Nico. Soft as the cotton you lying. Times we got hot like an iron. You and I. Our hearts had never been broken. We were so innocent, darling. We used to talk till the morning. Facing the strangest of places, down on the underground station, passing by. I get a mad sense of danger, feel like my heart couldn't take it. Cause if we met, we'd be strangers, you and I. September Song à l'instant sur Cristal. 7h26, la semaine dernière, tiens, ça vous a beaucoup plu, le blind test du lundi, spécial série télévisée. Alors, ben, j'en ai refait un aujourd'hui pour ce lundi 3 avril. Vous jouez maintenant en envoyant le mot Cristal au 7-11-12, suivi de votre numéro de téléphone. On joue pour un mug Cristal. Vous le savez, vous ne pouvez pas les acheter dans le commerce. Le seul moyen de les gagner, c'est de jouer maintenant. Et surtout, ben, on s'échauffe un petit peu les neurones avant une semaine de boulot. Trois titres. On ne cherche ni le chanteur, ni le titre de la chanson, mais uniquement le nom de la série ou du dessin animé. Voici donc les trois extraits. Concentration maximale. C'est assez facile, vous avez le nom de la série ou bien du dessin animé, et bien vous envoyez le mot Cristal au 7-11-12 suivi de votre numéro de téléphone. Je vous appelle chez vous dans moins de 10 minutes. D'ici là, Jess Jones, You Don't Know Me sur Cristal. Up my mind. on camera flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, or no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Throw shapes together, but it doesn't mean you're in my circle. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long or no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. You Don't Know Me sur Cristal, 7h31, voici l'info. Dans l'heure, dans la Seine-Maritime, dans les Yvelines, c'est Alicia Casteras qu'on retrouve. Un bon début de semaine à tous. Attention au brouillard matinal. Hein. Avant les éclaircies, il devrait s'attarder en matinée. Vous serez très prudents. Et cet après-midi, ça se dégage. La bonne nouvelle, on remonte même à 18 degrés du côté de Pont-Saint-Pierre, Giverny, 17 sur Le Neubourg et Petit-Couronne. Et ça va débattre aujourd'hui à Rouen. Le conseil régional se réunit à partir de 10h pour statuer sur une vingtaine de sujets. L'aide aux toutes petites entreprises, la politique de la pêche, les lycées du futur. Vous entendrez Hervé Morin dans le flash de 8h. Une femme de 30 ans a chuté dans la Seine hier matin à Duclair, près de Rouen, pour une raison qui reste encore à déterminer. L'homme qui l'accompagnait est parvenu à la tenir pour éviter qu'elle ne dérive jusqu'à l'arrivée des pompiers. Elle a donc été secourue. Vous l'avez peut-être suivi samedi soir sur TF1, une Normande dans The Voice, Lou Maï, originaire de Vernon, a rejoint l'équipe de Mika après avoir chanté Queen. Une deuxième Normande en jeu, hein, puisque Lucie Larouanaise se trouve déjà dans la team Florent Pagny. Pour vous qui recherchez un emploi ou une formation, vous pouvez déjà noter dans votre agenda le salon Emploi en Seine de retour au Parc Expo de Rouen. C'est jeudi et vendredi. On en reparlera bien sûr ici même dans ces flashs. Et finale de haut niveau pour les Dragons. Les hockeyeurs rouennais ne lâchent rien. Gap non plus. 4 matchs et 2 victoires chacun dans cette finale des playoffs de Ligue Magnus. C'est parti pour un match 5 mercredi à Gap et le match 6 à Rouen vendredi soir. Il sera peut-être décisif. L'entraînement démarre ce matin pour les tennisman à Rouen, justement, le quart de finale de la coupe Davis France Grande-Bretagne. C'est à partir de vendredi au Kind Arena sur terre battue. En basket ce week-end, victoire de l'ALM Évreux contre Blois, défaite de Rouen dans son derby au Havre, Évreux 9e et Rouen 13e du championnat de Pro B. Et c'est très rare que je reprenne l'antenne après les infos, 7h33. En fait, je viens de me rendre compte que je n'avais pas internet dans le studio, toujours pas, ce qui fait que je n'ai pas reçu vos SMS. Si vous avez tenté votre chance pour essayer de gagner le mug au blind test de la radio, donc au lieu d'envoyer des SMS, appelez-moi tout de suite, premier arrivé, premier servi, 02 32 23 53 96. On fera le blind test ensemble. D'ici là, il y a 21 Pilot et Isum qui arrivent. Carrefour Market, vive les promos et les surprises. Michel, c'est la dernière semaine de l'anniversaire Carrefour Market. Il faut vite profiter des nouvelles promos. Et des surprises et de tous les bons d'achat encore à gagner. En plus, jusqu'au 9 avril, pour l'achat d'un sachet de petits œufs Milka, vous avez 60% de remise immédiate sur le deuxième. Mais ça, c'est une bonne idée gourmande. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Retrouvez aussi cette offre dans les drives Carrefour Market. 350 grammes, magasin participant sur carrefourmarket.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins, les remises, c'est plutôt plus tard. Sur votre prochain achat, par exemple. Et puis, il y a la paire qui vous offre des remises immédiates. Jusqu'au 30 avril, ce sont les La Paireiades dans votre magasin La Paire. Avec jusqu'à 1000 euros de remises immédiates sur tous les produits, même sur la pause. 1000 euros de remises immédiates. La paire, évidemment, il n'y en a pas deux. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. Il reste combien de fenêtres à poser ? 20 ici et 8 sur l'autre site. Allez, faut finir avant la pluie. Simplifiez-vous la vie. Avec EasyPack Pro, Renault Master est à 225 euros par mois sans apport. Entretien, garantie et assistance inclus. Pendant les jours booster Renault Pro Plus du 10 au 14 avril, tentez de gagner un trafic chez nos partenaires pro. Taxe crédit bail maintenant, 60 mois, 80 000 km pour Master Fourgon Grand Confort L2H2 DCI 110 sous conditions de reprise. Réservé aux professionnels jusqu'au 30 avril. Immatriculation avant le 31 mai si acceptation par Diakessa, voir Renault.fr. Leclerc. Gisèle, la crème glacée biscuit caramel Vienetta que vous tenez dans la main, c'est juste pour le déjeuner de Pâques, hein? C'est celle que je préfère au monde. Ah bah avec 40% de réduction immédiate en ce moment chez Leclerc, moi aussi. C'est parce que toute la famille les adore que du 4 au 15 avril chez Leclerc, la bûche de crème glacée biscuit caramel Vienetta de 350 grammes avec 40% de réduction immédiate est à 1,16€ après réduction, soit 3,31€ le kilo. Voir modalité dans les magasins participants. Et on referme le congélateur. Pour votre santé, évitez de grignoter. C'est déjà l'heure, 5h-9h avec Nico sur Cristal. 21 Pilot avec Edam sur Cristal, 7h38. On va retrouver Erwan. Bonjour Erwan. Bonjour. Tu as été le premier à nous appeler au 02 32 23 53 96 pour jouer au Blind Test du lundi, spécial série télé. Est-ce que tu es fan de série, toi, mon petit Erwan? Pas plus que ça, mais ça, j'ai l'habitude de regarder de temps en temps. C'est quoi que tu regardes, celle que tu suis le plus? Alors, actuellement, j'ai suivi beaucoup Beverly Hills. Ouais. Et actuellement, sur les séries que je suis, c'est Profilage sur le dimanche sur NT1. Ah ouais, j'ai jamais regardé Profilage. C'est bien comme série? C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, bah écoute, tends bien l'oreille. Tu vas écouter trois extraits de séries télé ou bien de dessins animés. Il faut que tu arrives à nous trouver de quoi s'agit-il. Et puis tu repartiras avec ton mug, écoute bien. Alors celle-ci? Beverly. Ouais. Alors? Facile, Olivier Tom. Bah ouais, dessin animé culte. Et celle-ci? Desperate Housewives. Ouais, c'est dur à dire, mais c'est Desperate Housewives. Et c'est gagné pour toi. Vous les avez peut-être reconnus dans la voiture. Hein. Tu repars avec un mug Cristal. Merci. Bah écoute, félicitations. Il suffisait de nous appeler et trouver les séries. Bah c'est gagné pour toi. Tu vas travailler là? Oui. Tu travailles dans une mairie dans le 78? Tout à fait. Bah bon courage sur la route ce matin. Ça doit être plutôt calme parce que c'est les vacances dans la région Île-de-France là. C'est très calme. Eh ben tant mieux. Au moins il y aura pas de bouchon pour aller au boulot ce matin. Erwan, merci d'avoir joué sur Cristal. Je te dis à très bientôt et tu rejoues quand tu veux, ok? Merci, à bientôt. Voici Ed Sheeran pour la suite des Castle and the Hill sur Cristal. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. See the sweet perfume of the mountain grass all rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen boring fields in so long. Cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid by cheap spirits. Second wife, one's just barely getting by, but Allez, bienvenue sur Cristal, 7h44. Un point sur vos conditions de circulation en Normandie, Élodie. Un début de semaine sous le brouillard, vous l'avez vu si vous avez pris votre voiture, donc attention sur la route, la visibilité est réduite. Début de semaine où la circulation est plutôt difficile hein, sur l'agglo rouennaise, sur la 150 entre Barentin et le pont Flaubert. Vous roulez au pas aussi sur la Sud 3 entre Petit-Quevilly et le boulevard de l'Europe. Dans l'autre sens, toujours sur la Sud 3, eh bien là des difficultés entre Grand Couronne et la 13 en direction de Paris. Si vous êtes actuellement sur le périph' de Caen et bien sur le périph' sud, attention, des ralentissements entre Ifs et le Pays d'Auge ou encore des ralentissements entre Bretagne et Bessin sur la 13, cette fois en direction de Paris. Et bien ça commence à bouchonner juste après les Mureaux en direction du périph' parisien. 02 32 23 53 96, appelez-nous pour les infos route complémentaires. Merci Élodie. Écoutez bien les amis si vous êtes gourmands. J'ai devant moi une corbeille de chocolat Montbana avec Montbana Mondeville. Et on vous offre cette corbeille de chocolat d'une valeur de 35 euros. Si vous êtes gourmand, si vous voulez déjeuner avec des Montbana tous les matins pendant quelques jours, bah c'est très simple. Comme les SMS ne marchent plus ce matin, vous allez m'appeler au 02 32 23 53 96. Il n'y a pas de jeu ou quoi, hein, vous avez juste à appeler. On ne fera pas de questions-réponses. On remercie juste votre fidélité ce matin. Donc vous nous appelez, les premiers appelés seront servis. Allez, 02 32 23 53 96 et l'horoscope c'est dans moins de 10 minutes. Je vois déjà que ça sonne, à tout de suite. Tous les samedis 10h midi, c'est le top 30. Le classement de vos 30 titres préférés sur Cristal. Et le nouveau numéro 1 du classement cette semaine, c'est ça. And we're down, we go, go. Pour vos titres préférés sur maradiocristal.com. Le top 30, c'est tous les samedis 10h midi sur Cristal. La chronique santé de l'assurance maladie de Normandie. Cette semaine, Sandra, responsable à la CPAM, vous informe sur les obligations en cas d'arrêt de travail pour maladie. Cuisine Ixina. Bienvenue dans votre magasin Ixina de Mantes-la-Jolie. De nombreux avantages vous attendent chez Ixina. Un accueil convivial, des conseillers à l'écoute de vos besoins, un large choix de cuisine contemporaine et fonctionnelle, des produits de très grande qualité. Chez Ixina Mantes-la-Jolie, vous profiterez aussi d'un accompagnement personnalisé pour votre projet. Quoi de mieux pour réaliser une cuisine qui vous ressemble ? En Ixina, tout va. Ixina Mantes-la-Jolie, centre commercial Buchelet, zone des Closos. Ixina. Cadeau, bon plan, info, découvrez la page Facebook de Cristal. La chronique santé de l'assurance maladie de Normandie. Cette semaine, nous retrouvons Sandra, responsable à la CPAM. Alors Sandra, peut-on être contrôlé pendant son arrêt de travail ? Oui, à son domicile ou convoqué au service médical. Est-il possible de quitter le département ? Oui, l'assuré doit transmettre 15 jours avant son départ une demande écrite avec les dates et lieux de séjour. L'assuré doit impérativement obtenir une autorisation de la CPAM s'il ne veut pas encourir de sanctions financières. Merci Sandra. C'était la chronique santé de l'assurance maladie de Normandie. Cristal vous donne rendez-vous à Dornano. Jouez sur Cristal et maradiocristal.com avec Leclerc Fuel, Distrifuel Normandie et gagnez vos places pour les rencontres à domicile du stade Malherbe de Caen. Prochain match face à Montpellier. Rendez-vous sur l'antenne de Cristal et sur maradiocristal.com avec Leclerc Fuel, Distrifuel Normandie, votre fuel au meilleur prix, votre fuel à prix Leclerc. Cristal. Cristal. All I need is five minutes. You were my strength, I'm the song. Tell me where I'm here now. Chris. Première Hit Radio en Normandie. C'est déjà l'heure. L'émission qui réveille la Normandie sur Cristal. Nombreux à nous appeler pour la corbeille de chocolat Mombana. Je me suis transformé en standardiste pendant quelques instants. On refera le jeu chaque matin. Il est 7h52 et le hasard fait peut-être bien les choses puisque c'est Leslie de Lisieux qui est venue d'ailleurs petit déjeuner avec nous vendredi matin avec ses enfants. Bonjour Leslie. Bonjour. Ben c'est toi qui as été tiré au sort du coup ce matin. C'est super. Donc t'es venue vendredi avec tes enfants. Je me souviens plus du prénom des enfants, des prénoms des enfants. Agathe et Grégoire, mais c'est bon, mais on a fait même des photos ensemble alors. Oui. Bon, et ça t'a plu, cette déloc, là où on s'est rencontrés, ça t'a plu? Ça a plu aux enfants aussi? Ah bah c'était sympathique, hein. Bah en tout cas, nous on t'offre du coup, pour te remercier de cette fidélité, du coup, une corbeille de chocolat Mombana, d'une valeur de 35€ avec Mombana Mondeville. Oh super, je suis gourmande. Mais oui, je vois ça, t'es venue manger des croissants et des chocolats, oui. carton plein pour toi, attention à la ligne quand même, hein. Oui, mais on va faire attention. Bon, ma belle Leslie, je te souhaite une belle journée du côté de Lisieux. C'est quoi ton signe astral, toi? Verseau. Alors tiens, on va commencer par les Verseaux ce matin. Ils sont où? Ils sont là. Même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec vos proches, ne forcez rien aujourd'hui, ok? D'accord, on va être cool. Leslie, à très vite. Moi, je continue l'horoscope. Merci. Merci, bonne journée. Salut, merci de nous écouter, salut. À très vite. Une journée qui restera belle pour vous les béliers. Le soleil dans votre ciel aujourd'hui vous donne des ailes, des rencontres sont possibles. Les moins réveillés seront les vierges, la lune perturbe l'ambiance. Vous voilà un peu plus grincheux. Du côté des taureaux, l'énergie en pleine remontée, vous aborderez la vie avec envie. Votre gourmandise augmentera d'heure en heure. Les gémeaux, la lune éclaire votre ciel, vous croquerez la pomme avec enthousiasme. Aujourd'hui, le bonheur sera juste à portée de vos mains. Les cancers, vous saurez prendre de la hauteur, l'action vous boostera. Du côté des lions, la communication passera difficilement aujourd'hui. Balance, léger aérien, des envies d'ailleurs, pourrez-vous chahuter les plateaux. Laissez-vous faire, et bien partez, pourquoi pas. Les scorpions, vous resterez difficiles à approcher, impossible à conseiller. Ainsi, débrouillez-vous tout seul. Sagittaire, jouez la carte de l'échange et vous y gagnerez sur tous les tableaux. Les capricornes, lâchez vos habitudes, montrez-vous plus tendre en duo. Les verseaux, on l'a fait. Les poissons, pour terminer, vous ne serez pas encore très bien lunés aujourd'hui. Pourtant, vos idées feront l'unanimité, vos actions seront appréciées. Voilà pour l'horoscope du jour. Je vous quitte avec Julien Doré, Chou Wasabi. On se retrouve d'ici 5 minutes. À tout de suite. Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Le ciel se couche sur ta peau de louve. Les oies sont il faut tout recommencer. Message Peugeot en forme de rappel utile. Professionnel, notez bien que pendant les 4 jours Peugeot Pro, vous trouverez l'utilitaire qui vous ressemble et profiterez d'offres exclusives incluant des packs d'options sur toute la gamme de véhicules utilitaires Peugeot. Jusqu'à vendredi, profitez du nouvel Expert Premium Pack à 169 euros hors taxes par mois avec banquette Modu Work et 5 ans d'entretien inclus. Crédit bail 60 mois, 50 000 km, conditions sur peugeotwebstorepro.com. Arnaud est professeur des écoles. Si sa voiture ne démarre pas, ses élèves n'auront pas classe ce matin. C'est pourquoi GMF vous prête sans surcoût un véhicule de remplacement si le vôtre est immobilisé. Et en ce moment chez GMF, 2 mois offerts la première année pour toute souscription d'un contrat d'assurance auto entre le 1er et le 30 avril 2017. Conditions de l'offre en agence GMF ou sur gmf.fr. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Feu vert fête son anniversaire et vous n'allez pas le croire. Jusqu'au 15 avril, les pneus Orium montés en atelier sont 100% remboursés. Oui, 100% remboursés. Pour en profiter, c'est simple. Vous prenez votre voiture, vous vous rendez chez Feu vert et on s'occupe de tout. En 45 ans, on n'a jamais vu ça. Parole de chat Feu vert. Remboursement du prix des pneus sous forme de bon d'achat Feu vert. Conditions sur feuvert.fr. Vous, oui, vous au volant. Plus vous roulez, plus vous dépensez. Alors yakarouler.com, c'est la solution pour économiser sur vos pièces et accessoires auto. Plus d'1 million de pièces de marque en ligne à prix sacrifié et plus de 1500 garages pour vous. Yakarouler.com, votre voiture va adorer et votre porte-monnaie aussi. Bienvenue sur Cristal. Si vous avez regardé The Voice samedi, c'est bien. Si vous ne l'avez pas regardé, bah, séance de rattrapage. Il est 8h, bienvenue. La première hit radio en Normandie. Cristal. L'info de ce lundi de reprise avec Alicia Casteras. Bonjour. Et comme beaucoup de lundis, on parle école, entre collèges fermés et manifestations. Détails à suivre, rencontre aussi avec Hervé Morin qui s'explique sur la fin des concerts gratuits à Rouen. Également au programme de ce flash, les rencontres sportives, c'est pas terminé pour les dragons. Nous avons entre 4 et 7 degrés en moyenne ce matin avec du brouillard. Vous êtes prudents, retour de belles éclaircies cet après-midi. En ce lundi, petit changement de programme pour les élèves du collège Jean Zé au Houlm, près de Rouen. Le sol de l'établissement reste trop instable. Il sera donc fermé jusqu'aux vacances et durant les travaux, les élèves sont répartis dans 2 autres collèges de Barentin. Pendant ce temps, d'autres se mobilisent toujours contre la réforme de la carte scolaire. Près de Conches-en-Ouche, les parents d'élèves de l'école primaire d'Orvault tiendront un sitting tout ce lundi pour dénoncer une fermeture de classe. Le conseil régional se réunit ce matin à Rouen. À partir de 10h, les conseillers normands vont débattre d'une 20aine de sujets. L'aide aux toutes petites entreprises, la politique régionale de la pêche, l'élargissement du passe-monde aux lycéens et aux apprentis. Bonne nouvelle, Hervé Morin qui s'explique également sur la suppression des concerts gratuits de la région. Écoutez. Nous avons des opérateurs régionaux, des producteurs régionaux, publics, financés sur fonds publics, capables de porter de très beaux projets comme le 106. Et donc je ne vois pas pourquoi on allait faire appel à d'autres producteurs privés avec des contributions régionales absolument considérables. Quand on dit que c'est des concerts gratuits, il n'y a rien de gratuit. Tout est payant, tout coûte au bout du compte. Le président de la région, Hervé Morin, qui a préféré annoncer soutenir financièrement les terrasses du jeudi, par exemple, la dotation est doublée, ou encore le festival Roche porté par le 106 de Rouen. Interview au micro d'Élodie Alcouf. Est-ce que vous êtes pour ou contre la suppression de ces concerts gratuits à Rouen? On en parle justement dans la question du jour à suivre à 8h15 et vous votez sur le Facebook Cristal. Et pour les dragons, c'est loin d'être terminé. Les hockeyeurs ne sont toujours pas sortis d'affaires. 4 matchs et 2 victoires chacun dans cette finale des playoffs de Ligue Magnus contre Gap. Il y aura donc un match 5 mercredi à Gap et le match 6 de retour à Rouen vendredi soir. En basket, la 25e journée du championnat de Pro B se déroulait ce week-end. La victoire de l'ALM Évreux 76-74 contre Blois. Défaite de Rouen dans son dernier Au Havre 79-69. Évreux est à la 9e place et Rouen 13e au classement. Les fans n'ont pas raté l'info. Côté foot, c'est le PSG qui a remporté la finale de la Coupe de la Ligue 4-1 face à Monaco. En Ligue 1, le SM Caen s'est incliné 1-0 à Lorient. Le Stade Malherbe est 16e après cette 31e journée. Pour ceux qui cherchent un emploi ou une formation, vous pouvez déjà noter cette date. Le salon Emploi en Seine sera de retour au Parc Expo de Rouen ce jeudi et vendredi. météo avec Cuisinella Menval. Offrez-vous une Cuisinella digne d'un grand chef. Bien pensée, à prix accessible. Cuisinella à Menval, face au Leclerc. Cuisinella. À l'écoute de vos envies. Alors, à certains endroits, on a déjà pas mal de soleil et sur certaines routes, le brouillard qui persiste, ça pourrait être le cas une bonne partie de la matinée. Donc, vous allez rester prudent jusqu'au retour des belles éclaircies de l'après-midi, ce qui nous permet de remonter à 18 degrés sur Pont-Saint-Pierre et Giverny, 17, la moyenne de Petit-Couronne au Neubourg. C'est déjà l'heure, Nico vous réveille tous les matins, de 5h à 9h, sur Cristal. Très bon lundi, c'est la reprise, on vous accompagne. Et pour ceux qui en doutaient, la Normandie a du talent. La preuve encore avec une Normande dans The Voice. C'était ce week-end. On avait déjà eu, hein, il y a quelques jours, une Rouennaise, Lucie, qui avait séduit le jury. Et bien cette fois-ci, c'était samedi soir, devant plus de 6 millions de téléspectateurs. C'est Loumaï, une Rouennaise de 17 ans, de Vernon exactement, qui a fait se retourner les 4 membres du jury avec une musique de mon groupe préféré. En plus, ça ne s'invente pas, Queen. Voici donc un petit extrait pour ceux qui ont loupé le passage, écoutez. Voilà, Bohemian Rhapsody, chantée par une jeune Normande de 17 ans. Tous les membres du jury se sont retournés. Elle a même été comparée à Sia, la chanteuse australienne. Sacré compliment d'ailleurs. Elle est repartie dans l'équipe de Mika. On lui souhaite bonne chance. On essaiera de l'avoir au téléphone en studio à l'approche des battles d'ici 2 semaines. D'ici là, en tout cas, on vous souhaite un bon lundi. Branché sur Cristal. Et voici Katy Perry, Chain to the Rhythm, pour commencer une nouvelle heure. Turn it up, keep it on repeat. Stumbling around like a

Outline à l'instant sur Cristal. Bienvenue, 8h15, on parle des petites terreurs qui se comportent mal à l'école. Les résultats de la question du jour de vendredi, vous avez voté sur le Facebook Cristal. Des élèves indisciplinés, la faute à qui? Eh bien des résultats très serrés, surtout un auditeur mitigé pour 50% de ceux qui ont voté. De toute manière, les profs ne sont pas à remettre en cause, mais ce sont bien les élèves dont le comportement a beaucoup changé. La réponse C qui l'emporte à 50% arrive tout juste derrière la réponse B, 48%. Donc vous voyez effectivement que c'est très serré. 48% qui pensent que les professeurs sont quand même très concernés, parce que certains savent se faire respecter et d'autres beaucoup moins. Quoi qu'il en soit, vous êtes 2% à penser que de toute façon, il y a trop de laisser-aller dans les classes. Alors pour Sarah, si les profs avaient plus de liberté, ils pourraient tenir leur classe. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus le droit de punir les petits chéris, nous dit-elle. Et puis vous êtes également très nombreux à souligner le manque d'éducation des parents. L'éducation à la maison, oui, ça fait tout. Pour Sophie, le problème, ce sont les parents qui soutiennent le comportement perturbateur de leurs enfants. Et c'est pas Isabelle qui dira le contraire. Certains parents élèvent leurs enfants comme des rois, nous dit-elle. Merci pour vos messages sur le Facebook de la radio. De la musique pour la nouvelle question de ce lundi. Avec une mauvaise nouvelle, on vous en a déjà parlé. Les concerts gratuits de la région à Rouen, c'est terminé. Alors, on vous rappelle que ces soirées de concerts gratuites en plein air étaient financées par la région. Une enveloppe de près de 2 millions d'euros que le nouveau président de la Normandie, Hervé Morin, a donc préféré dépenser autrement. Alors comprenez-vous l'arrêt des concerts? Oui, le conseil régional n'a pas vocation à se transformer en producteur de spectacles, qui plus est avec nos sous, parce que c'est nous qui payons. C'est notre argent, vous le rappelle. Ou bien non, ces concerts gratuits étaient l'occasion pour des milliers de familles d'assister à des spectacles qu'elles n'auraient sans doute pas eu l'occasion de se payer. Alors évidemment, on prend les gens par les sentiments, parce que c'est vrai, quand on n'a pas l'argent pour aller à des concerts, on se dit c'est peut-être le premier concert ou le seul concert qu'on peut faire dans nos vies, c'est quand ils sont gratuits. Et de l'autre côté, Hervé Morin le disait dans ton interview que tu as diffusé tout à l'heure, pour ceux qui l'ont entendu, disait oui, ça n'a rien de gratuit, c'est gratuit peut-être pour les gens qui y vont, mais c'est quand même payant parce que c'est le contribuable qui paie ses impôts locaux, etc. Et c'est comme ça que c'est financé, donc c'est gratuit que pour une personne, mais pas pour la région en tout cas. Et voilà, vous avez les arguments, on est très mitigés sur la question. Évidemment, ça reste un événement populaire, c'est sympa pour tous les jeunes qui finissent la scolarité, ils ont passé le bac, ils ont fini les épreuves, on va faire la fête, c'est une période estivale, évidemment que c'est génial. Pour certains, c'est vrai, on les avait eu en interview sur Cristal, c'était l'occasion de faire leur tout premier gros concert avec des artistes qu'on n'aura pas l'occasion de voir ailleurs. Et comme on le dit, gratuit, pas tout à fait, puisque c'est la région qui paye, donc c'est notre argent. Et un artiste, entre autres, on va pas en citer pour pas faire de jaloux, mais tous les artistes, les grands noms qui sont venus sur cette scène gratuite, s'ils veulent venir, ils ont qu'à se payer le Zénith. C'est à ça que sert une salle de concert dans notre région. Les amis, vous votez sur le Facebook de Radio Cristal. À défaut d'aller au concert de la région qui sont donc terminés cette année, sachez que moi je vous envoie en week-end avec toute la famille au Puy du Fou. Oh, c'est pas mal. C'est le meilleur parc d'attractions au monde, paraît-il. Plusieurs fois d'affilée, ils ont eu ce prix. Moi je vais vous donner vos invites d'ici quelques instants. On va jouer aux 30 secondes chrono. Je vous expliquerai comment ça marche. Mais d'abord, on va écouter Baker Matt avec Living. Ça arrive dans quelques minutes à peine sur Cristal. Chérie, pour fêter Pâques, Leclerc offre à chaque passage en caisse dès 30 euros d'achat un livre numérique Disney à télécharger parmi 20 titres. Mais non. Et c'est pas tout. Leclerc nous met des étoiles plein les yeux. Avec, pour le 25e anniversaire de Disneyland Paris, un séjour inoubliable pour 4 personnes à gagner et des invitations pour les parcs pour vivre toute la magie Disney. Allons chez Leclerc. Du 4 au 15 avril chez Leclerc, venez et participez au grand jeu Disney. Règlements et conditions disponibles en magasin et sur e.leclerc. Livre numérique à télécharger sur Disney Story Central. Tous chez Leclerc. So Cook, cuisine équipée. Alors, quand on parle de fabrication, il y a le Made in je ne sais où et le Made in France. Chez So Cook, nos cuisines sont fabriquées en France, dans nos usines high-tech de Haute-Savoie et proposées au meilleur prix. Et ça, c'est So Français. So Cook, cuisine équipée. 130 magasins en France. Julie, Sociétaire Massif. Avec mon mari, on est assuré pour notre voiture depuis 20 ans, même pas un accrochage. Et à la Massif, nous avons le pouvoir d'être récompensés pour notre bonne conduite. Du coup, on bénéficie de 10% de réduction sur notre cotisation auto. Chérie, le feu est vert. Massif. Essentiel pour moi. Rendez-vous dans nos points d'accueil ou sur massif.fr. La réduction spéciale bon conducteur est une offre commerciale applicable sur le contrat auto-véhicule particulier et réservée aux assurés disposant d'un bonus 50 depuis au moins un an. Conditions complètes sur massif.fr. Ah, qu'est-ce qu'on est bien chez toi. Ah, c'est normal. Mon logement est certifié NF Habitat. Tu vois, l'air est plus sain, l'isolation thermique et acoustique est au top. Et puis, tout est fonctionnel, sans parler de la sécurité. Et tu chercherais pas quelqu'un pour garder ton appartement en tes vacances? Pour acheter, louer, faire construire ou rénover, pensez NF Habitat, votre repère qualité. Plus d'infos sur nfhabitat.fr. NF Habitat, une certification de l'association Qualitel. NF Habitat, la vie devant soi. CEA. Alerte shopping. Conseil mode numéro 3, signé CEA. Un t-shirt super chouette et du coton bio qui en jette, c'est le secret d'un enfant stylé et fier de l'être. Et à 3,50€ le t-shirt enfant en coton bio, vous serez une maman comblée. 3,50€ seulement, c'est chez CEA. CEA. En magasin et sur cetirea.com. Carrefour. Chérie, ils font quoi là, les lapins crétins? Ah bah c'est pour Pâques, ils célèbrent le lapin crétin en chocolat. Dès demain et jusqu'au 17 avril, il est à seulement 3,50€ en exclusivité chez Carrefour. Oh les gars, je peux croquer juste une oreille? Ah non. Dès demain et jusqu'au 17 avril, place aux fabuleuses fêtes de Pâques. Régalez-vous avec le lapin crétin en chocolat en exclusivité chez Carrefour à seulement 3,50€. 110 grammes, soit 31,82€ le kilo. Retrouvez tout le catalogue sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Carrefour. Cuisine Xina. Excusez-moi, la remise sur cette cuisine, elle est de combien? Attendez, mais quelle remise? Bah le prix là, il y a forcément une remise, non? Ah non, non, ça c'est le prix normal. Chez Xina, c'est carré. Pas besoin de remise, nos prix sont déjà bas. Quand Xina, tout va. Cristal Mantes-la-Jolie, 101.7 et en HD sur maradiocristal.com. Mes chers amis, je suis en fête. Mes chers voisins, mon cher facteur, je vous laisse enfin une lettre que vous lirez tout à l'heure. On va pas se mentir cette fois, pour la dernière, je veux être clean. C'est le cœur libre que je vous quitte, sans grand discours et sans émoi. Je laisse tomber, j'abandonne, je largue tout, je pars le vent. À vrai dire, je me trouvais morne, un peu pervers, un peu navrant. Ce n'est pas pour vous fâcher, et entre nous ça change rien. Mais je m'en vais déserter, je pars voyager. Je partais sans escorte, j'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain, de bon matin, je partais sans escorte, j'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Je deviendrai vagabond, errant passant mais pas plus con. Mon cœur et mon corps à l'envie renaîtront petit à petit. Si je croise on ne vaut rien en cours de route, j'en suis sûr, nous trinquerons à la nature, à nos amours et à mon chien. Qu'on ne me parle plus jamais, ni de mon job, ni de ses faits, qui ont fait de moi un dégueulasse, qui sont des faits qui me dépassent. Pour ceux qui jugent ou me recherchent, car je suis pas tout blanc, je l'avoue. J'ai pas dit l'heure que je me berge, inutile de me mettre au trou. Demain, de bon matin, je partais sans escorte, j'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain, de bon matin, je partais sans escorte, j'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Cristalleur. L'émission qui réveille la Normandie sur Cristal. Attention, un week-end à gagner pour 4 au Puy du Fou, c'est maintenant. Cristal, 30 secondes chrono. Un jeu emblématique de Radio Cristal et 30 secondes chrono. Je vais vous poser un maximum de questions. Vous allez me donner un maximum de bonnes réponses pour vous qualifier pour la finale qui aura lieu vendredi. Vous repartez avec un week-end pour 4 au Puy du Fou qui fête d'ailleurs ses 40 ans cette année, les 40 ans du parc. Alors ce week-end pour 4, il comprend l'entrée sur 2 jours, les déjeuners sur le parc, le dîner dans un restaurant du parc, le spectacle, les orgues de feu et puis une nuit d'hôtel dans un des hôtels du parc qui s'appelle la Citadelle. Et si vous êtes déjà allé dans les années précédentes, sachez qu'il y a des nouveautés en 2007, notamment cette nouveauté qui s'appelle le Grand Carillon à 16 mètres du sol. Vous allez voir des sonneurs virevolter et frapper les 70 cloches géantes au rythme des plus célèbres airs de musique que vous connaissez forcément. Bref, vous voulez vous inscrire, vous voulez repartir avec ce week-end pour 4 et tenter votre chance, c'est le fil rouge de la semaine des 30 secondes chrono. Sachez que les SMS ne fonctionnent pas ce matin parce qu'il n'y a plus internet à la radio, mais vous pouvez jouer par téléphone. Alors ça va se jouer en 2 minutes. Vous appelez le 02 32 23 53 96 pour vous qualifier, c'est maintenant. 02 32 23 53 96 et nous on écoute Jane. Ooh, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get by, get She's gonna give you a little smile. You can all make it go. The separation of a thousand more. Fin des inscriptions pour le Puy du Fou. Je vous rappelle, dans moins de 5 minutes, si vous êtes sélectionné, il est 8h31, place à l'info. Alisa Castella, c'est là pour l'info. L'information de ce lundi 3 avril. Et bonjour, un bon début de semaine. Attention au brouillard autour de Bourtroude, nous dit Caroline sur le Facebook Cristal. À Saint-Marcel dans l'heure, seulement 5 degrés pour Jacqueline. Du frais et du brouillard matinal avant les éclaircies de l'après-midi. On remonte même à 18 degrés du côté de Pont-Saint-Pierre et Giverny. Vous aurez 17 si vous êtes entre Lenebourg et Petit-Couronne. Et ça va débattre aujourd'hui à Rouen. Le conseil régional se réunit à partir de 10h pour statuer sur une vingtaine de sujets. L'aide aux toutes petites entreprises, la politique de la pêche, les lycées du futur, les concerts de la région. Bref, vous entendrez Hervé Morin dans le flash de 9h. Une femme de 30 ans a chuté dans la Seine hier matin à Duclair près de Rouen. L'homme qui l'accompagnait est parvenu à la tenir pour éviter qu'elle ne dérive jusqu'à l'arrivée des pompiers. Elle a donc été secourue. Et vous l'avez peut-être suivi samedi soir sur TF1. Une Normande dans The Voice, Lou Maille, originaire de Vernon, a rejoint l'équipe de Mika après avoir chanté Queen. Tous les coachs se sont retournés pour cette jeune fille de 17 ans, ce qui fait donc une deuxième Normande en jeu, puisque Lucie Larouanaise se trouve déjà, elle, dans la team Florent Pagny. Pour vous qui recherchez un emploi ou une formation, vous pouvez noter déjà cette date dans votre agenda. Le salon Emploi en Seine sera de retour au Parc Expo de Rouen. C'est jeudi et vendredi, on en reparlera ici même dans ces flashs. Et finale de haut niveau pour les Dragons. Les hockeyeurs ne lâchent rien, Gap non plus. 4 matchs, 2 victoires chacun. Dans cette finale des play-offs de Ligue Magnus, c'est parti pour un match 5 mercredi à Gap et le match 6 à Rouen. L'entraînement à Rouen vendredi. L'entraînement démarre ce matin pour les tennismans à Rouen justement. La France reçoit la Grande-Bretagne à partir de vendredi, quart de finale de la Coupe Davis. C'est au Kind Arena et ce sera sur terre battue. Là encore, bien sûr, on en reparlera. Une infotrafic à signaler. Contactez Cristal au 02 32 23 53 96. Pour ses 50 ans, Conforama vous a sélectionné des produits incroyables. Aujourd'hui, Gabriel a négocié pour vous. Très bien négocié. La banquette LiBZ imprimée jean à 169 euros. Et voilà vie en bleu, Gabriel. Et surtout à moins 50%. Jusqu'au 24 avril, pendant incroyable 50 ans chez Conforama, les meubles et la déco sont à prix irrésistible. Conforama. Offres et conditions disponibles en magasin et sur conforama.fr. Leclerc. Gisèle, la crème glacée, biscuit, caramel, Vienetta que vous tenez dans la main, c'est juste pour le déjeuner de Pâques, hein? C'est celle que je préfère au monde. Ah bah avec 40% de réduction immédiate en ce moment chez Leclerc, moi aussi. C'est parce que toute la famille les adore que du 4 au 15 avril chez Leclerc, la bûche de crème glacée, biscuit, caramel, Vienetta de 350 grammes avec 40% de réduction immédiate est à 1,16€ après réduction, soit 3,31€ le kilo. Voir modalité dans les magasins participants. Et on referme le congélateur. Pour votre santé, bougez plus. Vous, oui, vous au volant. Plus vous roulez, plus vous dépensez. Alors yakarouler.com, c'est la solution pour économiser sur vos pièces et accessoires auto. Plus d'un million de pièces de marque en ligne à prix sacrifié et plus de 1500 garages pour vous. Yakarouler.com, votre voiture va adorer et votre porte-monnaie aussi. Cuisine Xina. Donc, total pour la cuisine, y compris l'électroménager, 3 912 euros. Désolé, ce n'était pas tout à fait votre budget. Ah mais si, mais c'est parfait. Vous m'aviez pas dit 4 000 ? Chez Xina, c'est carré. Vous avez un budget, nous le respectons. Quand Xina, tout va. L'heure sur Cristal. C'est déjà l'heure. Avec Nico. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, I don't wanna live forever, Zayn à 8h38 sur Cristal. On joue aux 30 secondes chrono. Cristal, 30 secondes chrono. Et pour ce faire, on accueille Greta qui habite pas très loin de Gisors. Bonjour Greta. Oui, bonjour Cristal. C'est de quelle origine ce prénom? Je crois que c'est j'ai hérité de l'actrice Greta Garbo. Mais écoute, voilà. écoute, c'est pas mal, t'as 51 ans. Tu nous écoutes du coup dans l'heure et tu vas essayer de gagner le voyage au Puy du Fou en week-end pour 4 personnes. Super. Est-ce que t'as déjà eu l'occasion d'y aller? Non, jamais justement. J'en ai beaucoup entendu parler et je rêve d'y aller depuis longtemps. Mais oui, paraît-il que c'est le meilleur parc au monde. Ils fêtent d'ailleurs leurs 40 ans cette année. Et alors week-end, franchement, il est top. C'est pour 4. Du coup, il comprend les deux entrées, un déjeuner au parc, les dîners, des spectacles, les orques de feu, la nuit à l'hôtel, évidemment. Et puis les nouveautés de 2017. C'est un très joli cadeau qu'on vous offre ce matin. Mais pour ça, il va falloir être la meilleure aux 30 secondes chrono. Alors, c'est le fil rouge de la semaine. Pour gagner ce fameux week-end, il va falloir donc que tu sois très, très bonne. Tous les candidats vont s'affronter indirectement aux 30 secondes chrono et vendredi aura lieu la finale à l'issue de laquelle le cadeau trouvera évidemment preneur. 30 secondes pour répondre donc le plus rapidement possible à mes questions. Attention, je n'accepterai pas les réponses données sur le gong et évidemment pour ne pas perdre de temps, si tu ne sais pas, évidemment tu passes. Alors concentre-toi. Oui. Chez vous, vous pouvez jouer également dans votre voiture parce que ça va vous donner de l'entraînement pour peut-être affronter Greta le reste des jours de la semaine. Est-ce que tu es prête, ma belle? On y va? Oui, je suis prête. Les 30 secondes chrono commencent maintenant. Quel club a remporté samedi soir la finale de la Coupe de la Ligue? PSG. Cite-moi un nom de pâtisserie commençant par la lettre F. Semoule. F comme François. Fraisier. Ses initiales sont MP, il fait partie du jury de The Voice. De qui s'agit-il? Matt Pokora. Quel est le prénom de l'épouse de Donald Trump? Mélania. À quelle marque de voiture fait-on référence lorsqu'on évoque la marque au Lyon? Peugeot. Bon. Allô? Oui. Oui, Peugeot. J'ai entendu. Tu l'as donné quelques centièmes de seconde avant le gong. Donc on va dire que c'est bon. Oui, j'ai répété 3 fois, mais j'ai l'impression qu'on a été coupé, c'est pour ça. T'inquiète, ma belle, on n'a pas été coupé. J'ai entendu que tu avais donné la réponse. Est-ce que c'est la bonne réponse? Je ne sais pas. Nous allons regarder avec Alicia, qui compte en ce moment même les résultats. Est-ce que tu es fan de foot, Greta? Non, pas spécialement, non. Et à la première question, finalement, tu as donné la bonne réponse. C'était bien le PSG, victoire 4 buts à 1. J'ai entendu aux infos, c'est pour ça. Face à Monaco, et c'était une bonne réponse. Une lettre... La lettre F, la pâtisserie, tu m'as dit? Fraisier. Bah, c'était une bonne réponse, ça aussi. Hein. Matt Pokora, tu l'avais? Ouais. Mélania, oui. pour Donald Trump, c'était bon aussi. Peugeot, c'est bon aussi. Ça nous donne 5 bonnes réponses. Et c'est plutôt. Super. Franchement, c'est plutôt très bon. En général, quand on arrive à 3-4, c'est pas mal. 5, c'est excellent. Il va falloir faire mieux que 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain on a quelqu'un qui fait 5, c'est quand même toi qui as la tête, puisque c'est toi la première à avoir joué. Voilà ce que ça veut dire. Donc tu as toutes tes chances de partir au Puy du Fou. Sois joignable vendredi. Écoute bien toute la semaine pour voir, ça se trouve, pour voir un petit peu les candidats peut-être que tu vas devoir affronter vendredi. Merci de ta bonne humeur ce matin sur Cristal et tu as été très très efficace. Ça fait plaisir de voir les auditeurs cultivés. Bah, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Greta, je te souhaite une belle journée. Merci de nous écouter. À très vite. Et les amis, on passe au titre plaisir. Ce matin, dans ma voiture, j'avais une vieille compile de rock et je me suis réveillé avec ça à 3h du matin et je me suis dit, si moi ça me met de bonne humeur, ça mettra forcément de bonne humeur à les auditeurs de Cristal. C'est donc le titre plaisir, c'est ce qu'on appelle du rock de garage. C'était en 2003, c'était les Australiens qui chantaient ça. Jet, How You Gonna Be My Girl sur Cristal. Me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? I'm wanna be my girl. Take my hand and come with me, because you look so fine that I really want to make you mine. You look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? I said, are you gonna be my girl? Ça fait du bien ça pour commencer la semaine. Jet. How you gonna be my girl sur Crystal. C'était le titre plaisir, 8h46. Et une semaine qui commence avec des bouchons, encore des ralentissements sur nos routes normandes à la sortie de la 13. En entrant sur la SU3 en direction de Rouen, des ralentissements à hauteur d'abord de Grand Couronne et puis de Petit Couronne et entre Grand Queville et le boulevard de l'Europe sur la 150. Aussi, vous rencontrez des difficultés entre Roumare et Canteleu sur la départementale 6015 à la sortie d'Amfreville à la mi-voie en direction de Rouen. Et puis, difficile hein, de passer le pont Mathilde entre la rive droite et la rive gauche. Du côté du périph' de Caen, là aussi, les voyants sont rouges entre la porte de Bretagne et le CHU, ou encore entre la porte d'Espagne et le CHU. Vous avez aussi du mal à entrer sur le périph' de Caen lorsque vous venez de la 84 ou encore de la Nationale 13. Et puis ce véhicule en panne, toujours sur la Nationale 13, mais cette fois c'est aux portes d'Évreux, au niveau de la basse 105 en direction du centre-ville ébrouissien. Vous avez du mal à entrer dans Évreux depuis l'hôpital. Et puis on termine par la 13 en direction de Paris, avec des difficultés au niveau d'Équeville, au niveau d'Orgeval et puis au niveau du Chesnay. Et le prochain quart d'heure sera rythmé par Amir, Kungs et l'horoscope qui débarque avant 9h. Tous les samedis, 10h midi, c'est le Top 30. Le classement de vos 30 titres préférés sur Crystal. Et le nouveau numéro 1 du classement cette semaine, c'est ça. And we're down, we go. Pour vos titres préférés sur maradiocristal.com. Le top 30, c'est tous les samedis 10h midi sur Crystal. Crystal vous donne rendez-vous à Dornano. Jouez sur Crystal et maradiocristal.com avec Leclerc Fuel, Distrifuel Normandie, et gagnez vos places pour les rencontres à domicile du stade Malherbe de Caen. Prochain match face à Montpellier. Rendez-vous sur l'antenne de Crystal et sur maradiocristal.com avec Leclerc Fuel, Distrifuel Normandie. Votre fuel au meilleur prix, votre fuel à prix Leclerc. C'est vrai, je suis plutôt du genre à rouler ma bosse, comme on dit. Mais pour bien rouler et m'équiper, j'ai besoin de conseils. Si vous êtes comme moi, passez chez Toxic Bikes, concessionnaire officiel Yamaha. Moto Roadster, sportive et routière, quad, scooter ainsi que tous les équipements sont chez Toxic Bikes. Toxic Bikes, vente de neuf et occasion, service après-vente et entretien, 65 avenue de Paris à Vernon, à 15 minutes de Mantes-la-Jolie et sur toxic-bikes.fr. Tout faire bois. Moi, les lames de terrasse en bois, faut qu'elles tiennent plus d'un été. Du 3 au 28 avril, chez Tout Faire Bois, c'est les prix qualité pro spécial extérieur. La lame de terrasse en pin scandinave épaisseur 27 mm est à seulement 2,15€ le mètre linéaire. 2,15€ et traité classe 4. C'est ça les prix qualité pro. Tout Tout faire bois. Gagner en savoir-faire. Prix du paquet selon conditionnement. Chez Evrebois, à Evre-Angerville, route de Danville, ouvert aux professionnels et particuliers du lundi au samedi midi. L'autre jour, j'invite mon épouse au restaurant. Et là, elle me sort, je vais prendre le menu à 17 euros. Oh non, mais t'es dingue que je lui ai dit. Pour ce prix-là, on peut s'offrir une maison. Avec Maison Pierre, devenez propriétaire de votre maison à partir de 17 euros par jour. Condition près de votre agence Maison Pierre à Bernay, 4 boulevard du But, proche de la gare. Cristal. Première hit radio en Normandie. C'est déjà l'heure. Réveillez-vous chaque matin avec Nico sur Cristal. Ah, et juste avant d'écouter Kungs, on va faire un point avec Anto qui nous a appelé au 02 32 23 53 96. Salut Anthony. Salut. Tu voulais nous prévenir qu'il y avait un accident, c'est bien ça? Voilà, donc il y a un accident entre le rond-point de la 2001 sur la RD 180 en direction de Vernon, en descendant ou en montant, dans les deux sens, on va la voir. Ouais. Donc là, entre le rond-point de la 2001 et puis l'entrée du château de Bizy, quoi. Ok, eh ben, écoute, merci pour ton appel. Est-ce qu'elle est plan B pour éviter l'accident ou pas? Eh ben là, malheureusement, non. Ça va être l'heure de pointe et puis il n'y a pas vraiment de plan B, non. Bah, non, cool. Non. En tout cas, on te remercie. Si vous nous écoutez chez vous, vous n'êtes pas encore parti de chez vous, essayez de partir quelques minutes plus tôt parce que ça va peut-être boucher un petit peu. Merci Anto. On remercie également Catherine qui nous a appelé pour la même chose, cet accident donc à l'entrée de Vernon au rond-point de la 2001. Anto, je te souhaite une belle journée. Merci, bonne journée à vous. À très vite. L'horoscope qui arrive et Kungs, I feel so bad. C'était le son de Kungs avec I Feel So Bad sur Cristal. 8h54 et bientôt, et ben on fait un point sur l'horoscope. Ouais, l'horoscope de ce lundi, début de semaine, nous sommes le 3 avril. Une journée qui restera belle pour vous, les béliers à l'écoute. Le soleil dans votre ciel vous donne des ailes. Aujourd'hui, les rencontres sont possibles. Les moins réveillés seront les vierges. La lune perturbe l'ambiance, vous voilà un petit peu plus grincheux. Chez les taureaux, l'énergie en pleine remontée. Vous absorberez la vie avec envie et votre gourmandise augmentera d'heure en heure. Les gémeaux, la lune éclaire votre ciel. Vous croquerez la pomme avec enthousiasme, le bonheur sera à portée de main. Les cancers, vous saurez prendre de la hauteur, l'action vous boostera. Du côté des lions maintenant, la communication passera difficilement, n'imposez plus vos quatre volontés. Les balances, légers et aériens, des envies d'ailleurs. Pourrez-vous chahuter les plateaux aujourd'hui ? Laissez-vous faire. Les scorpions, vous resterez difficile à approcher, impossible à conseiller, ainsi débrouillez-vous tout seul. Les sagittaires, jouez la carte de l'échange et vous y gagnerez sur tous les tableaux. Votre sérieux sera même apprécié de tous. Capricorne, lâchez vos habitudes, montrez-vous plus tendre en duo. Du côté des Verseaux maintenant, même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec vos proches, ne forcez rien. Et enfin, on termine avec les poissons. Vous ne serez pas encore très bien lunés aujourd'hui. Pourtant, vos idées feront l'unanimité. Vos actions seront appréciées. Voilà pour l'horoscope du jour. Je vous retrouve demain, même à un même endroit, 5h-9h sur Cristal, avec toujours des chocolats Mombad à gagner, toujours des qualifications pour les 30 secondes chrono et les puits du fou à gagner. Et bien, on jouera ensemble demain entre 5h et 9h. D'ici là, Anto arrive et voici Amir au cœur de moi. C'est son nouveau titre qu'on écoute sur Cristal. Bise à l'œil. Un jour je suis prédateur, un jour je suis la proie. Un jour j'ai chaud au cœur, un jour j'ai tellement froid. Parfois je ne vois plus clair, le miroir me déforme. Je me lève sans lumière et mes rêves s'endorment. Enseigne alimentaire préférée des Français. Allô patron, vous allez être vert. Ah oui ? Et vert comment ? Ben, vert courgette. Parce que là, chez Lidl, ils nous mettent le kilo de courgette en vrac à 1,19€. 1,19€ le kilo de courgette ? C'est moi qui suis en vrac, oui. Mais ça va durer encore longtemps. Longtemps ? Ben, aujourd'hui et demain, patron. 1,19€ le kilo. Ah là, ils y vont fort, hein. T'arrêtes de me courir sur le haricot avec ces courgettes. Parce que là, on est mal, ok ? Ok, patron. On est mal. On est très très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, origine Maroc et Espagne selon arrivage en magasin.